بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا أمس الحديث الحسن فما هو الحديث الحسن عند من؟ تفضل هو يعني على نفس الشروط الصحيح؟ نعم هو نفس التعريف نفس الشروط إلا الضابط الراوي ضبط ضبط الراوي ضبط الراوي فما له الضبط يعني أن يكون يعني خفيفا نعم إذا كان خفيف خفيف الضبط في هذا الحال يدسان du niveau du صحيح إلى الحسن الحسن سلمام إلا أن الصحيح هذه تام الضبط وفي الحسن خفيف الضبط. Vous avez cherché des exemples? الحديث المجلد الخامس page 107 من الجامع الصحيح هات المجلد الخامس ستلا page 107 قال الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال أخبرنا يزيد ابن زريع عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Ce تعبير vous le verrez dans les prochains livres. L'imam al-Tirmidhi rassemble les deux et dit حسن صحيح. Vous verrez هذا بعد. قال أبو عبد الرحمن وهو حديث حسن وهو بما بعده يرتقي إلى الصحة. فسأل حديث ماذا هذا؟ Tu l'as mis dans quel exemple? أحسن صحيح لغيره شو حديث إلى حسن وهو بما بعده أي دوزيام إسناد قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد الشيخ مقبل dans ce livre quand il cite l'imam Bukhari c'est forcément un autre livre que صحيح لماذا لأن son livre c'est الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين quand tu vois l'imam Bukhari في الجامع الصحيح إما الأدب المفرد إما غيره en tous les cas c'est pas الصحيح المعروف قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي ابن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة قال موسى هو ابن إسماعيل وحماد هو ابن سلمة لماذا الحديث لحسن dans الإسناد تتخبيكي Le premier, c'est Mohamed ibn Amr. Mohamed ibn Amr. Qu'est-ce qu'il dit Sadouq. Sadouq, tamam. Ah, là, je l'ai. Mohamed ibn Amr, ibn Alqamah, Sadouq, lahu awham, min as-sadisa, tamam. Donc, Sadouq, lahu awham, ça montre que son dhabt, il n'est pas tam. Donc, al-ulama, ils disent Hassan. Cheikh Mokbel, il a montré Hassan. Dans le deuxième موسى بن إسماعيل أما عدي بن عدي المعروف حماد المعروف أبي سلمة بن عبد الرحمن المعوف سائمام أبو هريرة صحابي بقي موسى موسى من؟ موسى بن إسماعيل ثقة ثابت لكن تكلم عنه تمام donc son hadith descend au niveau de Hassan ce Hassan avec hadith Abi Huraira Le premier isnad, عند الترمذي, ça donne un hadith sahih li ghayri. هذا تمام, c'est compris. T'as un autre nidal? Dans Bulugh al-Maram. Aïna hu? En 167. نعم. Hadith numéro 167, 168. تمام. C'est un exemple imad, هذا, que t'as cité. حسن لغيره. حسن لغيره. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين قال أخرجه الخمسة إلا النسائي. حسن لغيره قال المحقق شيخ محمد حفظه الله قال حسن لغيره أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ولم يخرجه ابن ماجه وفي إسناده عندهم محمد بن الحصين ويقال أيوب بن الحصين وهو مجهول. السا صافي جمال أو إسناد مجهول أي on ne sait pas si c'est un ثقه ou autre مجهول on ne connaît pas son حال donc le hadith il est ضعيف. قال ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدرقطي والبيهقي c'est le prochain hadith. نعم قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص قال في الحاشية حسن غيره قال أخرجه الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي معروف ضعيف عبد الرحمن الأفريقي قال ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم سو ضعيف فيه أيوب أو محمد بن الحصين avec سو دوزيام ضعيف فيه عبد الرحمن الأفريقي سي دو ضعف avec ضعف الضعف اليسير يموت نبود حسن لغيره قال كذلك إلى أبيه بار مرسل سعيد بن المسيب فقد أخرجه البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب سو مرسل ومبقى المرسل من قسم الضعيف إلى أبيه كذلك سدو رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين فالحديث حسن بشواهد فأسان إكزام طيب ضعيف avec ضعيف avec مرسل العلماء يموت كس حديث avec toutes ces turuq, avec ce mursal, il monte au niveau de Hassan li ghayrihi. Il n'est pas Hassan en lui-même, mais avec toutes ces turuq, il monte du niveau da'if, il monte au niveau Hassan li ghayrihi. C'est un exemple tayyib. Ma'ak amthila ? Hat Hassan li dhatihi, tamam. Hatta al-akh il a donné sahih li ghayrihi wa Hassan li ghayrihi. Al-an Hassan li dhatihi. Hada. Tamam. Qala l'imam an-Nasa'i rahimahullah akhbarana Ibrahim ibn al-Mustamir. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شراحبيل عن عبد الله بن مسعود أكثر رجال الإسناد سو معروف إلا إبراهيم بن المستمر وعمرو بن عاصم سنشوف الآن. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. حديث جميل. قال حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن المستمر. نعم أما عمرو بن عاصم كانه ابن أبي النجود أي معروف فبقي إبراهيم بن المستمر. قال وقال النسائي إنه صدوق. نعم صدوق إلا با أحف تام كم لزوت فالحديث ديسان نيفو دو حسن حسن لذاته. أحسنت. مثال آخر صحيح لغيره هات. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ فقال يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. الحديث تقدم معنا في الأربعين. قال الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن أي شيخ مقبل هو حديث صحيح لغيره رجاله رجال الصحيح إلا قيس بن الحجاج وقد قال أبو حاتم إنه صالح وأقول لفظ صالح لا إلى آخر سكيان بورتون. قال شيخ مقبل ولكن الحديث له طرق أخرى إلى ابن عباس كما أشار إليها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم فسو حسن avec les autres طرق qu'il a cité الإمام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم الحديث منذ حسن إلى صحيح لغيره إلى صحيح طول ويمام avec tous ces isnad comme on a vu أمس il monte au niveau de صحيح لغيره. هذا ça vous montre نحن cet exercice le طيب ça vous montre أن pour un العلماء pour citer un حكم d'un hadith il y a un long travail plusieurs asanid حتى يدل الحكم. هذا تمام s'habituer à هذا تمام s'habituer à lire les asanid c'est مهم s'habituer à faire des recherches c'est مهم s'habituer au حكم. Pourquoi il dit le غيري pourquoi il n'a pas dit les ذاتي pourquoi il n'a pas dit صحيح tout court tu comprends hein? Plusieurs طرق حسن حسن حسن ça monte au niveau du صحيح. Donc, vous vous habituez, dès que vous lisez les livres, l'an, vous lisez les asanid, lisez les tahqiq, quand vous lisez Min Bulugh al-Maram ou Min al-Jami' al-Sahih, l'an, Inch'Allah, ça va changer. Tu lis les snad et tu sais pourquoi. Si il dit Sahih al-Ghayrihi, cherche pourquoi. Si il dit Hassan al-Ghayrihi, regarde le Wav, regarde la deuxième tariqa. Pourquoi il a été élevé au niveau de Hassan al-Ghayrihi. Et Inch'Allah, c'est de cette vie. S'habituer qu'à avec les rapporteurs. Il y a juste un truc que j'ai galéré, c'est maintenant. Je trouve Asma comme Mohamed Ni'ama. Ah, trouves plusieurs. Il y en a 10. Ah, non. Ah, là, ça dépend du shir, ça dépend de la tabaka. Awalan, s'il est au début du isnad, matalan, après la génération de l'imam al-Bukhari, l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, tout cela c'est imma tabaka, tabaka al-ashira ou al-hadi ashara. L'imam Muslim, l'imam Nasa'i, l'imam Lumadia, l'imam Ahmed. Si tu trouves Mohamed ibn Amr juste après, donc dans le taqrib, si ce Mohamed ibn Amr, il est du côté du Sahabi, tabaka thalita, al-thaniya, al-rabi'a, c'est pas lui, c'est sûr. Déjà ça, ça te permet. Kadhalik son shir, ça te permet de savoir c'est qui. Lakin, il faudra des autres livres. Il faudra des autres livres. Maintenant, Mohamed ibn Amr, tu regarderas c'est qui ses machaïrs. Tu trouveras dans l'isnad peut-être un de ses machaïrs, tu sauras que c'est lui. A où ses élèves. Kadhalik, l'endroit, c'est muhim. Connaître, il vient d'où. Comme il vient d'où, hatta si c'est un isnad, c'est des yéménites, ou min ahl al-Sham, ou min ahl al-Irak, ça te donnera une précision. Et hada, ça vient avec le temps. Petit à petit, tu sauras. Lakin, vous, l'an, pour vous aider, quand tu ouvres le taqrib, ce qui est important, vous regardez la tabaka. Si c'est un tabi'i, dans l'isnad, il est juste avant sahabi. Mohamed ibn Amr, on cite cet exemple, un sahabi après lui. Tu vois dans le taqrib, dès que tu vois Mohamed ibn Amr, bin al-Tabaqa al-Ashira, et du côté de la génération d'Imam Bukhari et autres, ça ne peut pas être lui. Pas être lui, il est du côté du Sahabi, t'élimines, il restera peut-être un, deux, trois, comme Inch'Allah, avec le temps, tu comprendras. Ça, il faut du temps. Kadhalik, c'est muhim, tu regardes qui c'est qui rapporte son hadith. Léana fi taqrib, tu peux trouver un rapporteur maintenant. Et l'imam al-Hafid ibn Hajar, il te dit maintenant, ce rapporteur, il est inda l'imam muslim, inda l'imam Nasa'i, inda l'imam Tirmidhi. Ce rapporteur, maintenant, il est inda al-Bukhari. Ça ne peut pas être lui. Mafhoum. Tu regardes, il est dans quel livre. Maintenant, toi, tu as un isnad de l'imam al-Nasa'i. Il y a un raoui, il s'appelle Mohamed ibn Fulan. Un temps dans le taqrib, tu trouves ce rapporteur. Lakin, l'imam al-Hafid ibn Hajar, il te montre qu'il est ce rapporteur inda al-Tirmidhi. Ça ne peut pas être lui. Il y en a toi, ton narrateur que tu cherches, il est Inda al-Nasa'i. T'élimines. Tu vas en trouver deux maintenant Inda al-Nasa'i. Tu commences à regarder la période. Tu trouveras en général, c'est pas la même période. T'élimines, il ne te reste qu'un, c'est lui. La période, c'est muhim. Et c'est qui rapporte. C'est quel imam qui rapporte An hadha al-Rawi. Kadhalik, c'est muhim. À commencer par ça. Et avec les éliminations, Inch'Allah. Et avec le temps, vous comprendrez akthar. Tadal. Le makan, s'il y a une précision, maintenant, le rawi, et tu sais que son shir ou son élève, c'est min ahl al-Sham, et lui, ça peut, il peut avoir une possibilité qu'il est du même endroit. Ça peut t'aider. Après, ça, c'est avec le temps. Mais il faut essayer au départ, essayer de s'entraîner, et Inch'Allah, petit à petit, ça viendra. Waliyam, nabda fi qismin jadid, wa huwa dha'if. Qala al-imam al-Bayquni rahimahullah. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر كان وهو أقسام وهنا سيخي كثر وكذلك dans une رواية كثر est-ce que dans cette رواية يقول أقساما أو أقسام وهو أقساما هنا وبعضهم تركي يقول ماذا أقسام نعم وهو أقسام كثر سأقرب وهنا ماذا يقول نعم وهو أقساما كثر فبعضهم كانهم إذ أقسام وبعضهم أقساما والأمر سهل الآن les deux premiers أقسام qu'on a vu c'est الحديث الصحيح والحسن أي il est مقبول العمل il est عليه il est ثابت qu'il soit sahih ou hassan. Al-An, l'imam al-Bayquni cite l'opposé. Aïe, le hadith, il n'a pas les shorts qu'on a cités auparavant. Ah oui, il manque un short. فهذا سحديث سغى ضعيف. فلهذا قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. سو ضعيف يا plusieurs أقسام qu'on verra. الإمام البيقوني يقول وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي tout ce qui est en dessous du حسن أي respecte pas les conditions du حسن فهي ضعيف. لماذا إلى بسيط الصحيح المقبول أقل من المقبول الحسن نعم لأن تحت الحسن لأن في il respecte pas les conditions de l'hassan min bab awla il respecte pas les conditions du sahih hada qala la'alla idha sidi hada qala al-dha'if lughatan al-hazil dad al-qawi matalan tidi hadhihi al-baqara hazila hay li baqawiya ali malad ali faible hada al-hazil le contraire du qawi qala kama fi lisan al-arab li ibn manzur rahimahullah qala wa huwa bil istilah. Et c'est ça qui nous intéresse. Ma qasura an rutbat al-hasan. Il n'arrive pas au niveau de l'hasan, forcément il est daif. Famim bab awla sahih. Qala wa qad abbar al-nazim an haddihi bi qawlihi wa kullu ma an rutbat al-husn qasur. Qala wa qusuruhu an rutbat al-husn yakun bi faqd shart min shurutihi aw ba'dihha aw kulliha. Ça c'est muhim. C'est pas obligé qu'il manque tous les shurut. Ou as-sahih, les trois premiers shurut, on avait dit il faut qu'ils soient présents. Donc c'est pas un shurut qui manque les trois premiers. Et les deux shurut, as-sahih, on avait dit il faut pas qu'ils soient là pour sahih ou al-hasan. Al-shudud ou al-illa. Al-muhim, il faut pas que tous ces shurut ça soit concerné. Là, s'il manque un, alors chaque al-hadith il est vaï. Ou deux, ou s'ils sont tous mimbab ou là. Mathalan, ça c'est un isnad. هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الصحة كيسيكي اللي غيبت ساسان شرط ما هو اتصال ساسان شرط ما هو العدالة عدالة الراوي يفوك سراوي سوا من العدول يفوك يان اتصال كذلك ساسان شرط الضبط التام أو الخفيف التام سبق الحديث الصحيح الخفيف الحسن أنا شرط نعم الشدود انتفاء الشدود كذلك أنا شرط العلة انتفاء العلة الآن هنا الحديث صحيح سي سراوي مثلا يباس الشرط العدالة مثلا سان كذاب سو حديثي سغى ضعيف سي هنا يعني انقطاع فلان فلان فلان هنا انتخو هنا ضل الإسناد حديث ضعيف tout ça vous allez voir ça dépend du ضعف ça dépendra du ضعف vous allez voir que ça donnera un autre nom كذاب مثلا ça sera un حديث موضوع ce qu'on appelle le موضوع. الانقطاع ici ça sera المنقطع. Ça dépend s'ils sont deux ça sera ou plusieurs ça sera المعضل. Tout ça on verra plus tard. المهم انتم الان c'est que vous comprenez هذا. On va refaire un isnad. اعلم ان الضعيف il y a deux causes pour que le hadith il soit ضعيف. C'est quoi la première cause? Par rapport au isnad, si tu analyses bien, toujours ça sera une de ces deux causes pour que le hadith il soit ضعيف. Imma dans une chose, imma dans une autre. عندما لا par rapport à ça هذا معروف الآن par rapport au إسناد lui-même إما telle chose ou telle chose ça rendra le hadith ضعيف بالجملة sans entrer dans les détails إما il y a un انقطاع انقطاع tu vas avoir plein de cas il peut manquer au départ il peut manquer deux il peut manquer هنا ça donnera plein de noms qu'on verra المنقطع المعضل etc المرسل إما أحسنت الطعن في الراوي ça peut être كذاب etc ça donnera des أقسام c'est ça فالحديث الضعيف إما انقطع dans الإسناد إما طعن في الراوي une des deux الانقطاع أو السقط ça c'est مهم pour comprendre la suite الآن on revient au kalam du Cheikh حفظ رحمه الله قال قال وهو في الاصطلاح ما قصر عن رتبة الحسن وقد عبر الناظم عن حده بقوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر وقصور عن رتبة الحسن يكون بفقد شرط من شروطه أو بعضها أو كلها. Avec le schéma, vous avez mieux compris. C'est pas obligé que pour qu'il soit ضعيف, qu'il a pas de ضب, qu'il a un انقطاع, qu'il a une عله, حتى on dit ضعيف. Là, une chose ça suffit. Et si à tous, bien sûr, il sera ضعيف أكثر. Enfin, c'est pour ça que ضعيف, il y a des degrés. T'as un ضعف يسير, t'as un ضعف شديد. Ça c'est مهم par rapport à الحسن لغيره. لأن vous remarquerez que العلماء أحيانا ils trouvent beaucoup de chaînes de transmission. Malgré ça, ils disent le hadith il est ضعيف. Il n'atteint pas le niveau de الحسن لغيره. لماذا؟ لأن الضعف il est شديد. ربما يا كذاب, ربما يا مجهول, ربما يا انقطاع. Je peux pas renforcer un hadith avec cette chaîne de transmission. Si le rapporteur il est ضعيف, c'est pas un ضعف شديد, ça sera utile dans tes recherches, tu pourras renforcer cette chaîne de transmission avec une autre. هذا c'est مهم. قال الشيخ سعيد وكونه الذي قصر عن رتبة الحسن فمن باب أولى يكون قاصرا عن الصحيح. C'est ça qu'on a cité. C'est pour ça que Al-Bayquni rahimahullah il a dit وكل ما عن رتبة الحسن قصر. Tout ce qui n'atteint pas le niveau de Hassan, c'est ضعيف. Il n'a pas besoin de dire ضعيف. Pas besoin de dire le sahih. Léana, s'il n'a pas atteint le niveau de Hassan, min babi awla, il n'a pas atteint le niveau du sahih. Kalam al-Bayquni, rahimahullah, il est précis. Qala fa min babi awla an yakun qasiran anis sahih. Léannahu a'la. Wa ma qasur anil adna min babi awla an yaqsur anil a'la. Ça c'est ma'rouf. Wahed, matalan, il y a un escalier de 10 marches. Il te dit, j'ai pas réussi à monter jusqu'à la 7e marche. Est-ce que tu vas te poser la question, est-ce qu'il arrive à la 8e? S'il n'est pas arrivé à la 7e, mimbabi aoula, il n'est pas arrivé à la 8e. C'est ça, qawluhu wa ma qasura anil adna, la 7e marche, mimbabi aoula yaqsura anil a'la, mimbabi aoula, il n'est pas arrivé à la 8e marche. Wahed, il a un immeuble de 20 étages, il te dit, moi j'ai réussi à monter jusqu'au 10e étage. Est-ce que tu vas te poser la question, est-ce qu'il arrive au 15e? Là, s'il n'est pas arrivé à l'adna, mimbabi aoula l'a'la. فلهذا الإمام البيقوني لا سيت الحسن فقط لأنه سين مرتبة أنصد صحيح فالسيل ضعيف لا تنبى النفوذ الحسن من باب أولى الصحيح قال وعلى هذا فلا داعي للاحتراز عن الصحيح بذكره في الحد كما صنع ابن الصلاح quand il a cité رحمة الله عليه الضعيف il a cité le ضعيف لا تنبى النفوذ الحسن et de الصحيح الشيخ سعيد dit في الحقيقة il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il y en a, s'il n'a pas atteint le niveau de Hassan, mais même Aoula Sahih. Adam, Al-Hafid ibn Hajar, il a un ta'rif tamam fi hada. Al-Hafid ibn Hajar, tout ça, il se vide et il te cite un ta'rif. Il y en a les erreurs des autres ou le manque de précision des autres. Il va te citer un détail. Son ta'rif, ça va être min afdal al-ta'rif. Est-ce qu'il l'a cité هنا? قال, فلا داعي للاحتراز عن الصحيح بذكره في الحد كما صنع ابن الصلاح. فقال في تعريف الضعيف ما قصر عن رتبة الصحيح والحسن. حقيقة il n'y a pas besoin de dire صحيح لأن s'il n'atteint pas le niveau de Hassan مباب أولى الصحيح لكن ceux qui le citent لا بس ça fait aucun mal ça te montre qu'on a les tarifs quand il y a un intiqad beaucoup de tarifs ça fait pas de mal hey, le mieux c'est de pas le dire أو c'est pas trop utile si on le cite لا بس si on dit نحن الآن الضعيف ما قصر عن رتبة الصحيح والحسن est-ce qu'il y a une erreur il n'y a pas d'erreur لكن celui qui dit que le Hassan في حقيقة يكفي. تستفيد من هذا أن ceux qui ont انتقد الإمام البيقوني pourquoi il n'a pas cité le صحيح leur كلام il n'est pas صحيح لأن le fait qu'il a cité الحسن يكفي. قال لما سبق بيانه راجع شرح التبصرة قال وقول الناظم قبل هذا نقرأ تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في إلى سيتي تركي تمام صفحة كم عند الضعيف قال رحمه الله أي الحافظ ابن حجر عرفه الحافظ عرفه الحافظ تمام قال وعرفه الحافظ بقوله كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول تعريف تمام لأن تجتمع فيه صفات القبول سانغلوب الحسن والصحيح أي الحديث الضعيف سلو حديث qui ne respecte pas ou qui n'atteint pas les chourouds qu'on a cités dans le Sahih et le Hassan. Enfin, sans citer le Hassan et le Sahih avec ce tarif, tu comprends al-da'if. Et c'est min ahsan al-ta'ari. Kullu hadith lam tajtami' fihi sifat al-qabul. Et sifat al-qabul taqaddamat ma'ana ittisal al-sanad wa 'adalat al-rawi wa al-dhabt, que ça soit tam ou khafif. Ça englobe les deux. Intifa' al-illa wa intifa' al-shudud. Hada, c'est ça les cinq sifat. Il rajoute kadhalik une sixième, العاضل عند الاحتجاج إليه. أي سيسا un ضعيف plus un ضعيف plus un ضعيف, tu montes au niveau حسن لغيره. هذا tu peux plus dire ضعيف. On rajoute les 5 plus le 6ème شرط comme il l'appelle هنا, والعاضل. العاضل est ce qui renforce un 2ème سند, un 3ème سند, le hadith il deviendra حسن. قال شيخ سعيد وقول الناظم هو أقسم كثر لأن سبب الضعف مختلفة ومتعددة. C'est quoi سبب الضعف? On a cité 2. Et c'est les principaux. As-saqt fil isnad wa thani at-ta'n fil rawi. Ces deux sabab, ça rendra le sanad da'if. Et ces deux sabab, ça va donner beaucoup de catégories de hadith. Vous allez voir que as-saqt, tu vas avoir plein de catégories qu'on va étudier ensemble inchallah fi hadhi al-mandhuma an-nafi'a. Qal ma'a anna al-kull yuqal lahu da'if wallahu al-muwaffiq al-mu'allim. Kalam jamil. Inch'Allah, les asbab, ça vient, les différentes catégories par rapport au da'if, ça viendra avec nous. Inch'Allah, qari. Naqra des amthila min sharh Cheikh Hussein, il a cité des amthila. Et il a cité des amthila, son tartib, il est tayyib, annahu, chaque shart, il va te citer un dalil. Maintenant, le premier shart, il te sort le sanad. S'il n'y a pas ce shart, c'est qu'il y a un qita, il te cite un midal. Deuxième shart, adalat al-rawi, il va te montrer un rawi qui parle min al-udul, il te cite un midal. Tous les shart, il cite un midal. Hada, haqiqa, c'est tayyib. Qala, sifat al-qaboul. Donc, ta'rif al-hafid ibn Hajar, kullu hadith lam yajtami' fihi, ou lam tajtami' fihi, sifat al-qaboul. C'est ça le ta'rif. Chaque hadith où il n'a pas les shurut, les sifat pour être accepté en tant que hasan ou sahih, automatiquement il descend au niveau de da'if. Il cite des exemples. La première sifat pour accepter un hadith hasan ou sahih est tassal al-sanad. Donc s'il n'y a pas ce shurut, le hadith il est da'if. Il cite un mithal. Wa mithal ma fuqida ou ma faqada hadhihi as-sifat hadith la'ana Allahu man jalasa wasat al-halqa. لعن الله من جلس وسط الحلقة. قال الحديث إذا ضعيف لماذا؟ قال جاء من طريق أبي مجلز عن حذيفة ولم يسمع منه فهو منقطع. T'as remarqué que le ضعف, on revient aux deux causes, إما طعن في الراوي إما سقط انقطاع. Dans ce cas-là, c'est un انقطاع. أبي مجلز عن حذيفة. Et أبي مجلز, il n'a jamais rencontré أبو حذيفة. Il n'a pas rencontré الصحابة. Ce sahabi. قال ولم يسمع منه فهو منقطع. Donc hadith ضعيف. ولو الآن la chaîne de transmission تبيهو. هذا ça peut être un imam. هذا un thiqa. هذا كذلك. أبو مجلز إليه هنا. هنا حذيفة. هنا الانقطاع. السقط. On est obligé de savoir ce qui est هنا. أبو مجلز il a pas entendu de حذيفة. Et vous allez voir qu'il a un nom précis, al-munqati'. Il manque quelqu'un هنا. Ça, c'est le premier cas. Et ça, le sanad le shart, il n'y est pas. Il y a un trou هنا. Il y a un manque. Deuxième exemple. Adalat al-ruwa. Qala. Wa mithaluhu. Hadith. La nabiyya ba'di. Illa an yasha Allah. Ça, c'est un hadith da'if. Qal fi sanadih. Muhammad ibn Sa'id al-Maslub. Wa huwa kadhab. Ce hadith là, il sera موضوع. Il y a un kadhab, shadid al-dha'f. Et nakara fil matn. Il y a celui qui prétend qu'il y a un nabi après le prophète, c'est du kufr. Hadith il est موضوع. Hadith il est shadid al-dha'f. Donc Muhammad ibn Sa'id al-Maslub kadhab. Al-an, c'est quoi le sabab du dha'f? Dans les deux raisons qu'on a données. Inqita' ou ta'n fil rawi? Ta'n fil rawi. Qala, troisième exemple, al-dhabt. Qala, wa mithaluh, hadith. إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله قال وهو من طريق ابن لهيعة ضعيف ومختلط ابن لهيعة يا خلاف واسع بين أهل العلم بعض العلماء إذا أكسبت صحديث يدي صحديث الحسن بعض العلماء يدي لا صحديث الضعيف qu'à Cheikh Mokbila rahmatullah alayhi, hada, c'est un exemple. Awalan, le dha'f, c'est quoi le sabab? Naam. Donc ça rentre dans quel qism? Hein? La. الطعن في الراوي أما هو الآن il a un problème في الضبط فبعض العلماء c'est صحيح ils ont démontré dans son hadith il n'atteint pas le niveau de Hassan son hadith il est ضعيف avant l'ikhtilat et après l'ikhtilat على الصحيح على كل حال أنت un exemple hadith ضعيف الراوي il a un problème في الضبط il n'atteint pas le niveau de Hassan hadith ضعيف on précise على قول بعض العلماء يحسن son hadith quatrième عدم الشذود il ne faut pas qu'il soit le hadith شاد il va citer un exemple حديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة أما للسانك بلي حديث ابن عمر إلى بيس حديث معروف حديث ابن عمر في الصحيحين وبني الإسلام على خمس للسانك بلي سد زيادة الآن وتغتسل من الجنابة قال فزيادة تغتسل من الجنابة شذ بها سليمان Ibn Tarkhan al-Taymi. C'est lui qui a cité ce hadith et Khalif, des rapporteurs qui sont A'lam min, Ahfad min et qui sont plus nombreux que lui, cette ziyada al-Shahada. Falihada, fi hadith Ibn Umar, fi sahihain, tu ne trouves pas Wattagdasil min al-Janab. Ça, c'est un exemple fi al-Shudud et on verra. On verra ce qism à part. Qal adamul illa wa mithalu hadith annahi an bay' al-Sannur. Qal wa huwa min tariq ma'qil Ibn Ubaidillah al-Jazari. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وقد قال الإمام أحمد أحاديث معقل أي ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة أي الضعيفة فسن علة الإمام أحمد الذي مدخل أن أحاديث معقل عن أبي الزبير ينضعف فخطان تبتخل معقل عن آخر حديث الأكسبت العلماء لكن ست طريقة معقل عن أبي الزبير ينضعف ينعلة هذا الحديث الضعيف Ces exemples, Inch'Allah, ça vous clarifie le résumé de ce dars. Un al-da'if, c'est le hadith qui n'atteint pas le niveau de l'hassan. Min bab awla sahih. Donc, il y a un problème dans un des cinq shurut. Kadalik, qu'on a rajouté une chose, le sixième, annahu, il n'y a pas une autre chaîne de transmission qui l'appuie, hatta ça devient hassan l'ighayri. Donc, hadith, il est da'if. Shurut ou sifat al-qaboul, les shurut qu'on a cités dans le sahih ou al-hassan, ma'rouf. Al-ittisal. العداله الضبط انتفاء الشذوذ انتفاء العله حديث ضعيف يا plusieurs cas الان نحن ce qu'on vient de citer c'est la catégorie principale mais il y a des sous-catégories par rapport à l'inqita par rapport هذا سياتي معنا كذلك استفدنا ان سبب الضعف dans hadith deux raisons اما un saqt في الاسناد انقطاع et ça donne plein de catégories de hadith اما طعن في الراوي le hadith est متصل Il n'y a pas de coupure. Lakin, un des rapporteurs, c'est un menteur. Ou il oublie beaucoup, ou il se trompe beaucoup, ou il est da'if. Inch'Allah, avec hada, vous avez compris. Hada al-qism. C'est une khulasa, Inch'Allah, tayyib. Raji'u, comme d'habitude, cherchez des exemples. Hadith da'ifa. Et vous faites la recherche dans le taqrib. Vous recherchez deux ou trois hadiths da'ifa. Vous regardez le isnad qui cite. Et vous cherchez... Pourquoi il est da'if Foulan. Et vous écrivez sa tarjama min al-taqrib. Foulan, matalan, comme on a vu, hada ibn al-maslub hada, kazzab, fa vous mettez matalan, kazzab, ou da'if, ou l'imam Ahmed qu'al fihi, ou l'imam Bukhari, inshallah, testavid. Donc, ce qu'il y a dans le taqrib, vous recopiez. Deux, trois hadiths, hatta vous vous habituez à rechercher. Et inshallah, on regardera ensemble ces hadiths que vous avez trouvés. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqana, an naktafi bi hada al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك